Dieudonné vit dans les nuages. Son fils est parti pour Montréal. Comme ces vieux arbres, il rougit. Le sang de son sang à la ville est parti. Non, non, non, non, perdu dans Montréal. Non, non, non, non, il oublie les montagnes. Non, non, non, non, perdu dans Montréal. Non, non, non, non, il oublie toute sa vie. Fond de Mustang, rue Saint-Laurent. Il regarde passer les gens. Bric-à-brac, il veut tout faire. Quand soudain il pense à son vieux père. Oh non, non, non, non, non, perdu dans Montréal. Non, non, non, non, il oublie les montagnes. Non, non, non, non, perdu dans Montréal. Non, non, non, non, il oublie toute sa vie. Valérie, rue Sainte-Catherine. Un coup de soleil dans un film. La liberté, c'est plus fort que lui. Un jour, Montréal aura grandi. Oh, tout le monde ensemble, s'il vous plaît! Non, non, non, non, perdu dans Montréal. Non, non, non, non, il oublie les montagnes. Non, non, non, non, perdu dans Montréal. Non, non, non, non, il oublie toute sa vie. Impossible! Non, non, non, non, perdu dans Montréal. Non, non, non, non, il oublie les montagnes. Non, non, non, non, perdu dans Montréal. Non, non, non, non, il oublie toute sa vie. Tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Non, non, non, non, perdu dans Montréal. Vas-y, Rita. Non, non, non, non, il oublie les montagnes. La, la, la, la, perdu dans Montréal. Non, non, non, non, il oublie. Oh, rock and roll! Toute sa vie. Oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Non, non, non, non, perdu dans Montréal. Non, non, non, non, il oublie les montagnes. Non, non, non, non, perdu dans Montréal. Non, non, non, non, il oublie toute sa vie. Eh, monsieur. Jean-Luc, as-tu déjà entendu ça, cette belle chanson-là, que nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan, sans Popperman, on n'est plus à Montréal? C'est pas ça qu'il a dit, là. C'était nananana, perdu dans Montréal. Nananana, il oublie les montagnes. Nananana, perdu dans Montréal. Nananana, il oublie toute sa vie. Y a pas de Popperman. Ben, y a de la petite mentole. Y a pas de mentole. Y a juste des mentales comme nous. Comme qui? Comme toi. Comme moi? Comme toi. Ça commence très fort, cette émission-là. Tu me traites de mental. Hey, mais t'es un déficient aigu, toi! Moi? Toi! Toi? Moi! Toi, t'es un... Ah, merci! Non, c'est toi! savais plus, non? T'étais perdu. J'étais perdu. Non. Perdu dans Montréal. Et monsieur, ça c'est une dépression. Oui, c'est une dépression graisseuse. Oh mon, hey, qu'est-ce que tu dois... Premièrement, là, si vous souffrez de dépression graisseuse, que doit-on faire? Il faut dégraisser. En faisant quoi? En exécutant quelle façon de perdre toute cette graisse? Ben, premier, attends un peu, là. Eh bien, là, j'aimerais ça que tu débrouilles les cartes. Oui, attends un peu. Je retraite! Débrouille les cartes! Ouais, mais oui, j'essaie, mais attends un peu, je suis en train de tourner ma sauce spaghetti! Ben oui, mais lâche ta sauce spaghetti puis débrouille les cartes! Mais comment on peut faire pour débrouiller les cartes? On sait, mais est-ce que ça peut être le Capharnaüm en tout début d'émission? C'est impossible! J'ai jamais vu une émission comme Errance Renaldienne débuter dans une explosion de personnages qui ne savent plus quoi faire pour définir cette émission! Ouais. Alors, mais bonjour, madame, mademoiselle, messieurs. Là, c'est bonsoir. Bonsoir, c'est vrai, c'est le soir. Plus c'est le noir, mais là, j'ai deux grands bœufs dans mon étable, un qui jacasse et un qui pue. Ça pue des bœufs, hein? Ah, c'est tabarnade. J'ai essayé de traire deux bœufs, moi. Elle me dit, bu-moi, tu vas tirailler. Comment ça, bu-moi? C'est B+, moi, là. Moi, je suis dans le B+, pas dans le B-. Au cégep, moi, on m'a déjà traité. Au collège, excusez-moi. Au collège, on m'a déjà traité d'ingratitude intellectuelle. C'est-à-dire? Ben, j'ai jamais rien compris. Qu'est-ce que voulait insignifier ce professeur qui était, ma foi? Est-ce que je peux m'exprimer? Ben, allez-y, mon cher. Merci, mon très cher. Mais vous êtes monsieur? Gagné. Mais qui? Gagné. Gagné, oui. Vous êtes? Je suis animateur de l'émission Errance Renaldienne. Bon. Je comprends pas quand vous parlez. Je suis un animateur. Oui. D'une émission. Oui. Qui s'intitule. Oui. Errance Renaldienne. Errance canadienne? Pas errance canadienne, errance rénaldienne. Tout errant rénaldien est contre le Canada. Pas contre? On est contre! Notre mission, là, est-ce qu'on peut la dévoiler au grand jour? Mais c'est le soir. On peut pas. Ah, j'ai-tu hâte que 6 heures du matin arrive? Pourquoi? Pour la dévoiler au grand jour! Ouais, mais il fait pas très clair à 6 heures du matin. Ben, OK, à 9 heures. À 9h, est-ce qu'il fait clair à 9h? Ben, tout le monde voit rien. Hein? Le genre humain en général, le citoyen moyen, là, non. Oui, Coco, mais est-ce que vous pouvez dire ça d'une manière un peu plus confuse? Ça peut se faire, oui. Ça peut se faire, mais attendez-vous! Ben oui, mais on n'est pas sourd. Ben, des fois, hein, on me dit parlez fort, on vous entend pas. Mais... Ça, c'est lorsque j'étais à l'école. Mais... Oui, mais arrêtez le mais. Non, mais présentement, là... Oui, présentement. Que voulez-vous dire? Ben, est-ce que j'ai la chance d'avoir les micros pendant quelques secondes? Oh, quelques heures, on peut... Là, on nous a dit, là, aujourd'hui, fais ce que tu veux. Si ça dure 18 heures, ça durera 18 heures. Si ça dure 52 heures, ça durera le temps que ça dure. Oui, mais les autres émissions, oh... C'est pas important, là. Raymond Poirier, moi, c'est mon petit champion, là. C'est toi, là. C'est toi quoi? Mais j'ai jamais rien compris. Mais j'ai dit, Raymond. Parce que c'est Raymond, hein. Quand c'est Raymond qui me parle, pas n'importe qui, c'est qui, Raymond? C'est l'émission du matin, Raymond. C'est la voix de CKRS. Sa voix rauque, là. Bon, c'est Raymond Poirier. C'est le retour du matin. Hey, il y a une voix de même, là. Tu penses au sérieux. C'est pas comme toi, là. C'est toi, tu cries, tu gueules, tu chantes, t'essayes d'articuler quelques mots, on comprend rien. Lui, c'est clair. La météo aujourd'hui, de la pluie. Hey, quand Raymond dit ça, là, il ne neigera pas, ça se risque, quand, ça risque pas, ce sera de la pluie. Puis même s'il fait beau, là, les nuages vont se regrouper pour pas faire mentir Raymond, parce que Raymond a toujours raison. Bon. Alors, moi, je suis pas la voix de Raymond, moi, là. Moi, je suis rien là-dedans. Je suis une petite une petite mixture boiteuse, une petite crème là, de rien, une infinie discrétion dans un océan de génie. Tu parles de toi? Mais non, je parle de Raymond, moi, là, là. Hey, c'est un homme cultivé. Il a tout lu. Ben, excuse-moi, là, je veux pas te remettre en question. Oui. Concernant Raymond, là. Oui. Moi, là, j'ai posé une question, là, dans l'annulaire. Pas dans l'annulaire, dans l'annuaire. Non, mais moi, j'avais l'annulaire dans l'annuaire. Là, j'ai dit, mon Raymond, là, je vais te poser une question. Il dit, oui, vas-y, mon Raymond. Je peux pas faire la voix de Raymond parce qu'il est unique. Alors, ayant l'annulaire dans l'annuaire, j'ai retourné la page et j'ai dit, Raymond, dis-moi le nom sur lequel mon doigt est posé. Vas-y, mon Raymond. Et là, Raymond, je sentais la sueur. Là, puis là, il dit, hey, non, c'est la chronique whisky. Raymond, il n'y a pas de chronique whisky. Là, présentement, là, il y a un nom sous mon doigt et j'aimerais que tu me dises le nom parce que... Selon Rénal Gagné, t'es dans la science infuse. Raymond, dis-moi. Et là, il y a plein de personnages qui sont devenus en moi. Dis-moi. Et là, Raymond, elle dit, oh. André Forcier. Et là, je regarde en dessous de mon doigt, c'est écrit André Forcier, réalisateur de cinéma québécois. Cinéaste québécois, André Forcier. Je dis, Raymond, Saint-Raymond, priez pour moi. Puis là, j'ai rapidement, j'ai pris le téléphone. J'ai dit, arrêtez de vous concentrer sur le cœur du frère André, vous là. Parce que chez nous, là, c'est un curé. Est-ce que c'est un curé ou un prêtre? C'est un membre religieux, un membre viril, qui doit être placé dans la grande fermentation des saints. Là, j'ai dit, hey, Raymond, lâche-moi ça, je vais appeler. Puis là, le frère André, c'est pas lui, c'est Saint-Raymond Poirier. Et j'exigerai mon... Je vais combattre jusqu'à la fin de mes jours. Là, Raymond dit, ouais, toi, écoute, en te voyant aller, là, tu vivras pas longtemps. Raymond, je vivrai jusqu'à mon dernier souffle, la veille, tu seras canonisé de ton vivant. Hey, là, mon Raymond, ça, il est parti, là. Je sentais qu'il croyait en moi, là. J'ai dit, comment je vais faire ça, moi, là? J'ai pris le téléphone, ils m'ont raccroché trois fois, ils m'ont passé à une maison de repos. Je pourrais jamais canonni. Là, j'ai du monde dans le milieu, là. Tu sais, des durs à cuire, des Hells Angels, là, qui, ils vont aller frapper au Vatican. Raymond Poirier, tu connais Raymond Poirier? Là, ils vont dire, mais je connais pas Raymond Poirier. Tu vas connaître Raymond Poirier, là, ils vont les prendre, ces pseudo-saints, puis ils vont l'élever, puis ils vont dire, hey, tu vas faire rentrer Raymond Poirier là-dedans, pchon! Puis on va faire autrement. Ça va barder. Je vous le dis, à CKRL, nous aurons quelqu'un de sérieux. Et surtout, ça va remonter, c'est déjà bien, bien en haut, là, la station de CKRL, 89.1 Québec, il est dans la sommité radiophonique, mais là, avec le nom de l'animateur du matin, ça va faire une grosse flamèche. Puis bon, je vais demander en tout petit, grâce à Rénal Gagné, mais en tout petit, j'ai dit, mettez pas d'accent circonflexe sur le A. Bon, et dites-leur que c'est moi qui l'ai écrit. Ils vont dire, regarde l'insignifiant, il maîtrise pas sa langue française, il parle de la langue française, il exagère avec des mots qu'il ne sait même pas articuler. Écoutez-le, ils vont faire un ensemble de pense-bêtes, de trucs qui n'ont pas fonctionné quand je reprends des mots. Puis, c'est comme cette émission aussi, là. Il y en a plein de fois où je vais me rattraper, puis je serai pas capable de le dire. Ma bouche suivra pas ma langue, puis là, mes yeux toucheront pas à mon front. Puis, c'est plein d'affaires de même. Ben, j'espère, ton frère. Hey, voyons donc, ton front touche. Mais, excuse-moi, j'étais parti. Moi. Arrête de partir, puis reste ici. Non, mais, plasticine. J'ai pas dit plasticine, j'ai dit reste ici. Reste ici, plasticine. On sait pas ce que ça veut dire, là. C'est quoi ton code là-dedans? Mais il n'y en a pas de code. On veut que Raymond Poirier soit saint. Il sera saint jusqu'à la fin des jours. Que ma mère, pénétrine. Je tiens à dire, on va faire la petite prière. Amen. En cette terre, Ramirez, Terminis. Domaine, à la mer, Arenstein, au ring. En le ring. En le ring. En le ring, Arenstein, à la Saint-Étienne, Raymond Poirier. Raymond Poirier, depuis des strings, remonte la colonne nord et TKRL. Amène le mot, la voix. Et nous, Arenstein, Amen. Arenstein. Arenstein, Arenstein, Amachang, Amachung, Amachting, Amachpong, Alasting, Alamachang, Alagaring, Amolosai, Arenstein, Alai. Alai, mais pas trop d'ail. Sinon, brutal sacrifice en Bamat. À Bamat, en Estai, en Orona, Stalam. Stalam, installam, installam. Installam. Non, là, c'est une dingue. Aïe, Restez. À ma stai, aïe, aïe, aïe. Et le culet cassé d'un troisième. Mais c'est. Restez. Messieurs les présidents, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, frivoles, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone. Et il y a flux dans francophone, il y a, moi je dis francophone, il y a flux dans les pétales, pétales, pétales. Les pétales longs, les longs, les fleurs, l'alamo, et indépendamment, un peu retiré, water close, ferme, et j'aime, et continasse. Pardonnez-moi, quand ils ne savent pas ce que le fang est de rester. Eh? Non, pas le fang, mais de rester. Elle veut dire « Amel aimé Tolostone ». Amel aimé Poirier. Eh bien, indépendante, francophone, errance rénaldienne. Bienvenue à la douce lénanité, à l'histoire finement improvisée, à moi-même, Halimalimo lima, parimilimo milimila. Oh, milimalimo, mola moli mali mali mo, mola moli mali mali mo, moli moli ma, ma, ma, ma, mo, ma, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec Rénal Gagné, à l'errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant engagé, Rénal de Gagné. Hey, on sait, tu y vas rapidement. Ben, il faut bien, hein? Sinon, si ça ne se fait pas, hein, qu'est-ce qui va arriver? Rien. Rien de rien. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le mal qu'on m'a fait, ni le pire, ça tout m'est bien égal. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Je ris, non, je ne ris pas, j'ai comme une commotion cérébrale au niveau de la mâchoire. Et. Je suis docteur. Oui, docteur. Docteur Gendron. Oui, comment ça va? Commotion cérébrale au niveau de la. Vous avez dit au niveau de la mâchoire. Au niveau de la mâchoire est. Parle strictement interdit. Comment ça, c'est interdit, mais c'est impossible. Et vous avez dit interdit, mais si c'est interdit, c'est impossible. Impossible d'être interdit, ça ne se peut pas. Moi qui fais partie de. Oh là, oh, oh, oh. Alcoolique anonyme, non. Oh, oh, oh. Archives, archiduchesses, sont-elles chesses ou archichesses? Non, les. Oh, les. anarchistes! Les anarchistes! On ne croit pas à ce genre de canular, nous! On ne croit qu'à la révolution que par le chaos! Ils vont t'arrêter, toi. Ils vont te mettre en prison. Ils vont te torturer. Tu vas souffrir jusqu'à la fin de tes jours. Tu vas voir comment c'est en... Hein? C'est pas la télévision, là, ce qu'il y a derrière les barreaux, là. C'est pas de la viande de tous les jours, là. C'est des mets avariés. Pas variés, avariés. Tu vas crever. Pas crever de faim, crever par la nourriture comme dans les hôpitaux. Qu'est-ce que je crois, là? Les gens qui sont là-dedans, dans quoi? Dans les malheureusement, un très grand malheur pour eux. Dans les couloirs hospitaliers, imaginez-vous. Normalement, là, tu sors après quoi? 3-4 jours? Mais comme tu manges la nourriture d'hôpital, tu restes là 3 semaines, un mois et demi. C'est intoxication par-dessus, intoxication. Puis à un moment donné, la manger de ma mère de mère vient te gronger l'intérieur, le foie, l'animal, l'intérêt principal. Mais, ici c'est gratuit. Mais ailleurs, c'est payant, là. On a la chance, au Québec, de pouvoir être malade longtemps, là. Ouais, dans un hôpital, là, ouais, on perfusion, ouais. Excusez-moi, là, j'ai écouté 3 errances rénaliennes en fil. Est-ce que je peux avoir de la morphine, s'il vous plaît? La morphine, juste ici, là, droit, bras droit, deuxième veine. Deuxième, pas troisième, la deuxième, parce que la deuxième, là, ça va directement au cerveau. La troisième, ça passe par le violon, le triple violon. Comment ça, le violon? Ben oui, c'est le derrière de dos, là. Tu connais pas ça, toi. T'es même pas médecin. Ben toi non plus. Ben moi, j'ai étudié ça sur Internet. Il y a le violon, le derrière de violon. C'est dans le dos. J'ai jamais entendu ça, toi. Tu dois avoir vu des instruments de musique, puis tu t'es dit, c'est ton dos. Hey. Écoute-moi bien, toi, là. Oui. Tu crois que je me fais influencer de même? J'ai vu un dos, puis on dit violon, tour de violon, cœur de violon. Voyons donc, non, c'est cœur de loup. Il n'y a pas de cœur de loup là-dedans, c'est le cœur d'entre-mère. Aujourd'hui, le vendredi 22 octobre 2010, les errances rénaliennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Je sais, je devais dire valise, mais je dis vralise. Mais je réalise que la valise est ouverte. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du créateur Pierre Mikhalkov. Pauvre Pierre, c'est sa première émission, il va complètement halluciner. Je vais plus collaborer, là. Rayez-moi sur la liste. Je n'ai pas parlé à ce mec, c'est un malade. Il doit avoir des soins particuliers, comme Edgar Allan Poe. Allan Poe, Allan Place. L'autre, là, Antonin Bartho. Pierre, relax. Mais je relax. Pierre Mikhalkov est un écrivain et scénariste. Il a collaboré à Rock and Folk, ainsi qu'à de nombreuses revues imprimées ou en ligne. Il est l'un des 3 auteurs de la série documentaire sur France 3, Nous nous sommes tant aimés. Il me semble que c'est un film de Piala, ça. Il a publié 10 d'ouvrages, dont une biographie de Noir Désir, déjà réimprimée 2 fois et qui paraîtra chez J'ai lu en 2011. Il nous le dira au long de notre discussion. Je crois que c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Une biographie d'Alain Bachung, oui. Le dictionnaire raisonné du punk. Un essai aussi sur M. Daniel Dark. J'ai oublié de lui parler de lui, de Daniel Dark. Un roman noir, un recueil de nouvelles, une enquête sur la disparition du rock'n'roll et, entre autres, un recueil d'histoires noires autour du groupe Clash. Il a participé en tant que journaliste à un long métrage avec Boris Bergman qui retrace la carrière d'Alain Bachung et qui paraîtra cette œuvre le 16 novembre 2010. Je vais l'avoir bientôt. Je l'ai acheté. Une somme quand, là? Une somme le 22. Donc, je l'ai reçu. Peut-être pas. Mais c'est tout prêt. C'est-tu prêt à enregistrer cette émission-là? Pas du tout. Comment ça, vous avez senti ça? Ben, je sais pas, vous avez dit, là, lu 2011, puis paraîtra, mais en 2000... Qu'est-ce que vous avez dit? Je sais pas ce que j'ai dit, j'ai rien dit, moi, là. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Ben oui, vous avez dit le 16 novembre 2010, puis vous n'étiez pas certain d'être le 16 novembre. Eh, veux-tu me lâcher? On est le mois d'octobre, pas le novembre. Ben oui, mais c'est vous qui vous êtes trompé. Lâche-moi! Le 16 novembre 2010, en DVD chez Studio Canal. Donc, je me suis trompé. Nous sommes en octobre, donc ça sort en novembre. Un peu avant Noël. Noël. Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, c'est l'amour, viens chanter toi mon frère. Noël, c'est l'amour, c'est une grâce éternelle, le cœur de mon frère, la paix, la mer. La mer qu'on voit lancer le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer. Alors, on est rendu toujours à mon ami Pierre Mikhalov qui. Ah oui, le coffret, le travail le 16 novembre 2010 en DVD chez Studio Canal. La biographie de Bachung de Pierre Mikhalov paraîtra si vous prenez l'édition Prestige du DVD. Moi, j'ai pris le plus cher. Si vous pouvez m'amener Alain Bachung avec, là, je serais extrêmement heureux. Il pourrait me faire des spectacles continuels à tous les vendredis. Puis j'aimerais l'entendre. Faites monter l'arsenic, faites monter le mercure. Ah, s'il vous plaît, Alain Bachung! Jusqu'à là. S'il faut. Hey, au lieu de mettre. Excusez-moi, madame. À l'hôpital, là, au lieu de m'injecter de la morphine, pouvez-vous me placer du Alain Bachung, s'il vous plaît? Alain Bachung bien concentré, là, tu sais, l'arsenic, Gabi, puis sa ligne blanche, puis moi, ma préférée, c'est Comment Confreindre. Ah, Saint-Avant. C'est Comment Confreindre, je voudrais sortir de là. OK. Bon, alors donc, il est l'auteur aussi principal du dictionnaire des années 1980, et j'ai pas dit du dictionnaire des années 1980 et un recueil de poèmes. Maintenant, rombons-nous en ce samedi, proposons-nous un ruban, un phénomène humaniste imagé entre vous et moi. Alors, place aux mots, place au lyrisme rénaldien et bonne émission. Avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. D'accord. Alors, elle n'était évidemment pas d'accord puisqu'elle préparait son autobiographie. Mais tu pouvais quand même éditer. Elle n'a pas arrêté l'édition. Elle ne sait pas. Non, parce que si on prend juste la loi, on peut écrire sur une personne publique.

La musique. La musique, la musique, la musique. Et les amis. Et rigoler, rigoler. Quand on peut, il faut rigoler. Faut rire, faut rire. Je vous embrasse. Faut rire de tout ce qui est insupportable pour prendre de la distance. Tout le monde, là, vous savez, les gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui ont des vies terrifiantes. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. En tonnerre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui télécharge mes émissions? Hey, tu l'as dit combien de fois? Ben, c'est parce que je veux te raconter pourquoi. Pourquoi? Pourquoi le monde est sans amour? Oh, pourquoi? Pourquoi le monde est sans amour? Je te le redirai toujours. Pourquoi le monde est sans amour? Moi, je le sais. Non, c'est pas ça la chanson, c'est moi, je ne sais pas. Moi, je le sais. OK. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour accorder la vidéo et l'audio. Vous m'écoutez à la radio, c'est merveilleux, je vous applaudis, je vous embrasse, je vous aime. Rénal Québec à commercial@hotmail.com. Rénal Gagné, tu peux... Hey, wow! Non. Alors, c'est pour faire la différence entre la radio et la vidéo. Alors, à la radio... Je pourrais enchaîner comme ça pour que ça semble couler de source. Mais dans mes vidéos, je dois couper, je dois faire des sons, des trucs étranges. Ça me donne plus de temps. Ça m'amène plus de temps. Excusez-moi de vous parler de technique, là. Mais alors, entre les transitions, si je m'arrête pas, je dois faire une connerie pour m'arrêter. Pour ensuite, sur la vidéo, cliquer sur l'arrêt. Les gens ont rien compris, ils n'ont pas de formation. Mais moi non plus, j'ai pas de formation, j'ai juste des informations. D'où viennent ces informations? C'est de la bande Odo. Les Odo, hein? Ah, les petits Odo. Et qu'est-ce qu'ils font, les Odo? Ils dorment trop. Et après ça, ils deviennent ados. Plus que tu dors, plus tu deviens ado jusqu'au moment où... Aïe, m'en souviens plus. T'sais, ils ont pas de mémoire, ce monde-là, là. Tu dis, hey, t'es-tu un ado? Ouais. Puis après? Après, absolument rien, là. Bravo. Tu fais quoi dans la vie? Pas rien. Oh, OK. T'es à quel niveau scolaire? Y'en a pas de niveau. Oh. Est-ce que je peux te poser 2-3 questions sans l'écho? L'écho? Ouais. Est-ce que je peux te poser 3-4 questions? Ben là, si tu me fais sortir... Ouais, je te fais sortir. Oui, ben... C'est pas trop... Constriclé. Comment? C'est pas trop Non, c'est compliqué. Compliqué? Pourquoi tu cherches un mot plus compliqué que compliqué? Ben, On dirait que je suis pas capable de le dire. Le mot compliqué? Non, c'est trop Oui, OK. Premièrement, là, faudrait que tu relaxes. Ben, je relaxe. OK. Ça va bien? Ça va très bien. Ton nom? Oui, ton nom. Tu ris? André! Oh! OK, parce que t'as de la difficulté. Ben, j'ai le problème, là, j'ai la langue qui... Je fais du bégaiement. Tu fais du bégaiement? Oui, je choisis de bégayer. Tu bégayes. Je bégaye. Bégaye, bon, le tour du monde. Bégaye, don. Le tour du monde est parmi nous. Nous. Rouin! Non, nous, minou. Non, mais, ça table. On va discuter avec le bég. Tu as un bég? Je pratique le bégaiement. Oui. À quel moment? À les moments stratégiques. OK. Alors, tu es premièrement, un ado bég. Je suis un Es-tu bég ou sous? Je suis bég. OK. Tu es sous la couverture de l'anonymat. Exact. Je suis bég. Oui. Un jeune. Je suis bég. Oui, tu es bég, mais un jeune bég. Un jeune bég. Bon. Il n'y a pas de problème, mon champion. Comment ça? Ben, hey, ça te fait du bien, hein? Ben Hey, t'étais déprimé tantôt. J'étais très déprimé. Moi aussi, je suis bègue. Voyons donc. Oui, Rénal Gagné bègue. Ça, c'est un métier d'être bègue. Mais voyons donc. Mais oui. Mais voyons donc. Arrête de dire voyons donc. Mais voyons donc, c'est vrai. T'as-tu la t'as-tu l'affaire qui enregistre, là, qui fait des mots? Attends un peu, là. Mais voyons donc, on passe un autre appel, où est-ce qu'il est? Il est là, OK. Oui, arrête de dire ça, voyons donc. Pourquoi t'as dit, ben, parce qu'on cherchait quelque chose, là. Ici, c'est une émission qui fonctionne. Ben voyons donc, ben oui. C'est certain. C'est pas mort, là, c'est vivant. C'est de l'or vivant. De l'or, eh, monsieur. C'est un... Ben voyons donc, c'est... Ben oui, c'est anodin! Ben oui, OK. C'est pas comme ça que tu dis ça, là! Tu dis, ben voyons donc! Ben... Alors, toi, t'étais bègue. Toi, t'étais un jeune bègue. Ben oui, comme vous! Oh, non, mais dis-moi tu. Comme tu! Non, non. Je veux dire, dis pas vous, dis-tu. Dis-tu! Non, non. Hey, t'es pas bègue, hein? Ben non! Arrête de dire ça de même! Tu dis-tu! Tu dis-tu! Non, non. Tu me dis-tu! Tu me dis-tu? Hey, arrête-moi ça! OK! Tu me dis pas vous. Oh, d'accord, monsieur. Tu me dis pas monsieur. OK, mon oncle. Pas mon oncle. OK, mon... OK, mon. OK, je préfère le mon. Mon. Mon, c'était loin, là, ben des espoirs. Bon, c'était loin, on cherchait le rémoi. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. On saura rien de ce petit jeune-là. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Il reviendra sans doute dans d'autres errances. Ne vous en faites pas, le bégaiement, ça m'intéresse. Je suis un auteur de ce genre de prouesse. Laissons-nous... Hey, comment ça? Ben, j'en suis un, moi, là. J'en suis un. Un quoi? Un nain? Un bég... Ben oui, je suis un bég... Laissons-le, OK? Attendez. Pendant des années, lorsque j'étais adolescent... Et puis ça, c'est pas une blague, là. Est-ce qu'on peut arrêter? Arrête la machine à blague. OK, Jean-Marc, peux-tu cesser la musique à blague? Oui. C'est le troisième bouton à partir de la gauche. Tu montes à la droite et puis tu vas voir, c'est juste dans le milieu. Oh, monsieur, il trouvera jamais ça. Il va nous arrêter le son. Est-ce que tu peux y aller toi-même? Ben, moi, je peux pas. J'ai un torticolis buccal. Mais monsieur... Un torticolis buccal. Oui, j'ai la bouche qui déchire. Ah, ben voilà. Non. J'attendais pas moins que ça. J'ai les dents là, qui veulent tomber vers le haut. Oh! Puis après, la langue qui veut monter vers le bas. OK, on aime ça de même. À part ça, ça va bien? Ça va très bien, mon champion. OK, ça va. Champion. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukoff. Hey, lâche-moi, toi! Ah, moi, là, on va l'attaquer. Et y avez-vous les pitbulls? Les pitbulls, attaquez, préparez-vous. Calmez-vous, préparez-vous. Attribuons à mon ami Charles Bukowski un petit coin de bord, et puis on va laisser nous suggérer une première phrase extraite d'une de ses nouvelles, contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions parce que, bon, j'ai pas tout lu le truc, là. Mais entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Ça veut dire... que je dois aller chercher le Buck. Le Buck, qui est ici, qui est pas très loin. Il est très loin parce que ici, ce micro-là, là, après 3 pieds, on capte plus rien. On capte plus rien. Comprends-tu ça, toi, mon numéro 2? Ben, pas vraiment, là, mais... Hey, on capte pas grand-chose là-dessus, là. Là, le monde est inquiété par ton... Ils se disent... Oh, il y avait un élastique qui se disent... Dis pas tout, toi, là. T'as-tu un stérilet? Ouais. Comment ça, tu sais ça? J'ai dit à Germaine, parle pas ça à tout le monde. Je suis le premier homme à avoir un stérilet. Mais ouais, yada! un stérilet buccal, bucco, bikini. Moi, j'ai un stérilet bikini. Oh! Au niveau de la langue, oui, ça projette pas trop. OK, donc le début de la phrase de mon ami Charles Bukowski, c'est « J'ai passé une nuit blanche chez John la barbe. » Ben oui, on était 6. On était 6 au début, 2 à la fin. Ben 3, parce que la dernière a pas voulu partir, sauf si moi, je la suivais. Hein, il y avait John la barbe. Il y avait Charles Bukowski. Il y avait Madonna. Madonna! Pas de Madonna, la Madonna Fortin, là, mais la Madonna! La grande Madonna! La chanteuse Madonna. La comédienne Madonna. Ah, c'est assez de Madonna à ton goût, ça, là. Alors donc, il y avait John Labarbe qui voulait pas se la faire. Sa faire Madonna? Non, Labarbe. Hey, lâche-moi. Hey, toi, là, là, on n'a pas de... C'est pas des affaires qu'on peut dire de même, là. Il voulait pas se la faire, Labarbe, pas Madonna. C'est moi qui me la faisais, Madonna. Oh, Rénal Gagné, Madonna. Ben oui. Rénal Gagné, Madonna, mais ça, je suis pas dans l'histoire, moi, là, là. C'est moi qui est le scénariste. Quoi? Je suis scénariste. T'es le scénariste. Scénariste. Comment ça finit, scénariste? Scénariste. Scénariste. Mon Dieu, y a-tu des serpents? Scénariste. OK. Et puis là, il y avait Madonna qui me disait... Amatona la milo, te codoni, amoloni, la moloni, aponi, me la mole, tototo, le me la mole, popopo, mato la mila, mabona. Oh! Hey, c'est une chanson de Mabona, ça? Oh oui! Mon Mabona, je t'aime! Mais là, il y avait mon ami, là, qui était pas si ami que ça, John Labarbe. Hey, elle était tellement longue, la sienne, qu'il faisait des nœuds, puis là, en bateau, il faisait des nœuds, on roulait des nœuds, on voguait des nœuds, puis t'es nul, mon John Labarbe! Il va falloir te la couper. Là, John, il dit, hey, faut pas me la couper, moi, là, hein! C'est mon organe reproducteur! Quoi, ta barbe? Ben non, l'autre! Non, c'est ta barbe qu'on veut couper, là! Madonna était prête à couper n'importe quoi, n'importe qui. Madonna, là, c'est la femme qui, dans sa tête, est punk. Dans ses cheveux, est punk. Dans sa vie relationnelle avec des hommes, est punk. Mais dans le reste, elle est sentimentale. Oh, c'est moche, mollo. Guimauve. Ça, c'est de la guimauve. Là, tu essaies de... Et ça fait des grands. Et ça fait des grands. Il faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, ça ne cause pas, monsieur. Oh, ça ne cause pas. Il y a John Labarbe qui se la fait tremper dans la soupe et qui nous traite de gros plein de soupe et qui peut même pas avoir la Madone parce que la Madone... Elle tient à son réré. Trop dégénéré. Mais presque pas assez pour elle. Car, monsieur, chez ces gens-là, oh! On ne creuse pas. Oh non, on ne creuse pas les affaires. On ne fait comme la société. On ne fait comme la société. On reste à la surface. Sans chercher. Oh, ça va bien. Pas trop de questions. Oh. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas. Réré veut seulement se l'approprier, la Madonna. Et la phrase, le titre de mon ami Charles Bukowski, était cheval de mon cœur. Fraternité, mon cul. Ouais, parce que sinon vous avez quoi comme parfum? Sinon j'ai pamplemousse. Comme... Oh, tout est là. Ah. Ouais, ouais, ouais, bah écoutez, fraise. Et puis un verre d'eau aussi, sinon. Un verre. Ah, mais moi bon, aussi, je prendrai un verre d'eau. Très bien. Ça marche. C'est étrange que tu me dises ça parce que fondamentalement non, mais d'un autre aspect oui, parce que tous ces gens-là ont travaillé avec Alain Bachaud, mais ils ne savaient pas vraiment de lui. C'est qui les autres que tu as sur ta liste? Jean-Claude Dreyfus, ouais, qui ben a joué avec, dans un film de, avec Alain Bachaud. Ah ouais? Le petit curieux. Ah oui, d'accord. Ouais, il fait le rôle d'un détective, Bachaud. Et est-ce que tu te souviens? Oui, oui, oui, oui, mais je me rappelais plus de Dreyfus dedans. OK. Non, mais moi, en fait, je rencontre des gens et c'est dans le cadre de mon émission Errance canadienne. Et ce que je fais, c'est que on relate la carrière des gens que je rencontre. Comme toi, tu es plutôt rattaché aux artistes. Tu fais des biographies, tu travailles sur... Ouais, je fais beaucoup de biographies d'artistes, mais je me limite pas à ça. Merci. Merci. Nouvelles aussi, un roman policier, je vais sortir un recueil de poésie l'année prochaine. Toutes les formes d'écriture m'intéressent. Mais à la base, tu es russe par ton nom? Ouais, par mon nom, ouais, par mes grands-parents. Ok. Ouais. Mais tu parles pas le russe? Non. Mais comment tu prononces ton nom? Parce que je voulais pas l'écorcher. Alors, en fait, en français, tu le prononces Pierre Mikhailov. Mikhailov? Voilà. Mais en russe, sinon, tu dis Piotr Mikhailov. Mais Pierre, c'est pas tout à fait russe. Non, mais il y a beaucoup de Piotr. Ok. Il y a beaucoup de Piotr. C'est l'équivalent. Alors Piotr, ça s'écrit avec avec l'équivalent de la lettre P en cyrillique. Ah oui, c'est vrai, parce que le russe, c'est pas comme. Oui. Ouais, c'est ça. I P O. L'équivalent de la lettre T en cyrillique et de la lettre R aussi en cyrillique, ça fait Piotr. Ah ok, ok. Et puis tu es arrivé en France Non, c'est mes grands-parents qui sont arrivés en France dans les années 20. Ok, alors toi t'es parisien. Baby baby, what you gonna do? Baby baby, I leave it up to you. Baby baby, it's your move. Are you gonna take this right? What you say? Baby baby, don't be late. I got no time, I'm in a rush. I'm in a rush. I'm a rocket to the moon. I'm headed to the stars. The world is microscopic. I see it from afar. I'm saving you, I see. I know just what you mean. You're always on the you away, baby, baby, you don't have to stay, baby, baby, if you do, you know that what I say is true, baby, baby, don't be late, I got no time, I'm in a rush. Baby, baby, what you gonna do? CKRL. Cultive tes goûts. Nous venons d'entendre Philippe Catherine avec Liberté. Mikhalov, Pierre Mikhalov, mon ami. Et Émilie Simon avec Rocket to the Moon. Rocket to the Moon. Non. La mémoire empile des récifs de souvenirs, des rafales d'images, de larges mouvements qui lentement remontent, qui lentement sondent mes expériences à venir, mes transes qu'il me reste à parcourir. Ça, c'est un petit poème. Oui, c'est un poème. Pourriez-vous répéter votre poème? Parce que Rita était pas là. Elle était presque là. Elle a ouvert la porte. Non, s'il vous plaît. Non, mais elle a voulu. Elle a marché rapidement. Oui, mais merci. Elle est en marche. Non, mais merci. Oui, mais s'il vous plaît. Je vais répéter. La mémoire. Est-ce que vous pouvez mettre la mémoire en pile? La mémoire. Madame, oui, on y va. OK, c'est beau, hein? Êtes-vous prête? Je suis très prête. OK, on y va. Êtes-vous prête? Trop prête. OK. La mémoire empile des récifs de souvenirs, des rafales d'images, de larges mouvements qui lentement remontent, qui lentement sondent mes expériences à venir, mes transes qu'il me reste à parcourir. C'est qui ça? Est-ce que c'est de... Comment il s'appelle le poète, là? Le grand poète, là? C'est de 1m58. Hein, c'est un grand poète, ça, là? C'est... Beau, Ce que j'ai lu, là? Ce que vous avez dit. La mémoire empile des récifs de souvenirs, des rafales d'images, de larges mouvements qui lentement remontent, qui lentement sondent mes expériences à venir, mes transes qu'il me reste à parcourir. C'est ça que vous voulez? Ouais, est-ce que c'est Rimbaud? C'est Rimbaud? Non. C'est qui? C'est Rénal Gagné. Ah, que c'est qui? C'est qui? Rénal Gagné. Ben, je connais pas. Rénal Gagné. Ben oui, Rénal Gagné. Errance rénaldienne. C'est quoi ça, errance rénaldienne? Pas canadienne, rénaldienne, lâchez-moi. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Cette semaine, pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge et je crois qu'il a cherché à me déplaire. Cette semaine, c'est pas la vraie version, hein? Selon De Palmade, le t'es un mec, toi. On est étranglé, Lulu. C'est qui? C'est de Palmade. La version de Palmade, c'est j'ai un chat dans la gorge et je crois qu'il a chié. C'est pas de moi, c'est de Palmade. Ouais, vous avez vu, hein, j'ai une douceur, j'ai une élégance. Il y a quelque chose qui me rassait à la humanité. Cette semaine, est-ce que c'est ce moment, hein? Rita, je t'aime. Mais oui, t'es sous. Mais non, je t'aime. Je suis sous ton corps. Oh mon Dieu, priez pour lui. Cette semaine, et ce jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots sur lui. Excusez-moi. Élèverons à bras de mots sur celui-ci. Eh bien, comment ça, t'as l'air bizarre? Mais je vous ai dit, madame. Madame, que c'est beau une femme en juillet. Banane, tu ruisselles et puis moi je régaie. Oui. Et lèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'exclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe mimique. Mimique. Avec son petit côté ridicule. Et son pantalon toujours trop grand. Dans le monde, il déambule. Il nous fait rire en trébuchant. Il a souvent l'air malhabile. C'est parce qu'il porte sur son dos les petits côtés difficiles du monde. Mais comme c'est beau de le faire jouer les idiots et nous faire prendre par un mot avec un rien, avec un zeste par le cœur. Les comiques, ces grands prisonniers de nos rires. Monsieur! Hey, monsieur! Je vous réveille. Hey, vous, tu me réveilles plus que ça, là! Plus que ça, tu peux pas me réveiller, là! C'est Mimique. La Mimique! Hey, monsieur, Mimique! T'es une Mimique, toi, là! Une Mimique de même, là, puis je suis pas capable de suggérer ça, là! J'envoie ça aux éboueurs! Qu'est-ce qu'ils font, les éboueurs? Ils rebouent encore, puis ils cherchent toute la consonance de cette stratégie-là! C'est pas vrai? C'est très vrai! I touched your golden hair, tasted your perfume. Your eyes were filled with love the way they used to be. Your gentle hand reached out to comfort me. Then came the dawn. As I staggered from my bed, I could not bear the image racing through my head. You were so real that I could feel your eagerness. And when you raised your lips for me to kiss, came the dawn, and you were gone. CKRL, cultive tes goûts. Je suis né dans le 92. Pour nos auditeurs qui sont québécois et qui n'ont jamais visité Paris, le 92. Alors le 92, ça fait un petit peu moins rêver que Paris. C'est au sud de Paris, au sud de Paris, c'est la banlieue sud. Voilà, ça touche Paris. Et aujourd'hui, c'est la banlieue que Sarkozy réprimandait il y a quelques années. Alors non, ça c'est la banlieue que Sarkozy aime bien. C'est la banlieue. Bien, heureusement. C'est la... aime bien Châtillon. Voilà, mais là, c'est la banlieue qui vote à droite. C'est la banlieue sarkozyste. Ok. C'est le 92. C'est des maires en général UMP. Ok. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? Est-ce que tes parents écrivaient? Est-ce que ta mère, ton père? Non, mais il y avait beaucoup de livres chez moi. Ok. Lesquels ? Alors, il y avait de tout. Il y avait beaucoup de littérature classique. Ok. Il y avait. Française ? Ouais, française et puis russe aussi. Ah ouais, ben oui. Et puis américaine aussi. Des Hemingway, des Steinbeck. Ça, c'est les premiers américains que j'ai lus. Et puis ma mère lisait pas mal de policiers, des Agatha Christie, des Maigret. Oui. Okay. Et j'aime toujours, j'aime beaucoup Simenon. Jean Simenon, ouais, avec beaucoup. Son environnement. Mais, c'est un des rares romanciers qui est très facilement transposable au grand écran. Simenon, ouais. C'est très cinématographique. Tu peux lire du Simenon et tu te fais un décor. Mm-hmm. Et toi, t'expliques ça comment c'est propre à Simenon ou à tous les romans policiers, tu trouves ça? Non, je crois pas, moi. C'est, il y a des romans c'est propre à lui, ouais. Obscurs, ben oui. Parce qu'il bâtit un univers comme ça très... Parce qu'il met en place un noyau de personnages qui est un peu comme les films de Claude Sautet vivait même en dehors du roman. C'est vrai. Tu refermais le roman. C'est un microcosme, un micro-monde, ouais. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans tous les films de roman, lorsque tu sors du film, les personnages vivent, ils sont dans les rues, que tu sois au Québec ou partout à Montréal ou je crois même à Berlin, hein, tu peux le voir frustré ou même en Dublin. Quoique doublé, les gens plus ou moins ça. Là. Mais les personnages vivent. C'est vrai que, comme tu dis, ils ont une vie après la fin du roman, ils continuent de vivre. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais c'est tout à fait singulier, c'est-à-dire que c'est très. Normalement, essaye de nous chapeauter quelque chose de comment dire, accessible rapidement, hein, pour que l'on s'associe au personnage. Tandis que si Benon, tranquillement, nous amène le personnage avec une richesse du gros autour, un certain jeu, et au bout du compte, ben, c'est des gens qui nous suivent après. Hein. Et puis avec peu de mots, en plus, son talent, c'est qu'il fait ça avec peu de mots. Oui. Oui. C'est des bouquins de 150 pages, 180 pages et... Gravitätigkeit, natürliches Gesetz, natürlich nicht eher ein Verbrechen, ich hab sie nicht bestellt. Grad gegen seine Apfelfalle hab ich mich gewehrt. Sie wurde gegen meinen Willen trotzdem installiert. Seitdem hat sich mir die Fliegerei um einiges erschwert. Holt sie die Firma wieder ab, dann bleibe ich kulant. Tut sie's nicht, dann sag ich jetzt und hier, dass ich für nichts mehr garantiere. Selbst in einem Schwerkraftregelkreis kann die Regel leicht zerbrechen. Und das ist nur für bleierne und flügellahme Verbrechen. Trotzdem installiert. Seitdem hat sich mir die Fliegerei um einiges erschwert. Holt sie die Firma wieder ab, dann bleibe ich kulant. Tut sie's nicht, dann sage ich jetzt und hier, dass ich für nichts mehr garantiere. Selbst in einem Schwerkraftregelkreis kann die Regel leicht zerbrechen. Und das ist nur für bleierne und flügellahme Verbrechen.